Bonjour à tous, c'est Aurélien. On se retrouve pour les coups de cœur d'Aurélien le lundi 8h-13h30 sur Radio Gamozo. Donc mon coup de cœur de cette semaine s'appelle The Promised Neverland. C'est un manga de type suspense fantastique qui fait d'ailleurs fureur au Japon. Grâce à son intrigue particulièrement prenante, on peut dire. Donc, c'est l'histoire de Emma, Norman et Ray. Vous voyez, c'est des orphelins qui coulent des jours heureux dans un orphelinat, donc qui s'appelle Grace Filed House. Tranquille, entouré de leurs frères et de leurs sœurs, ils s'épanouissent sous l'attention pleine de tendresse de maman, qu'ils considèrent comme leur véritable mère, donc, mais qui ne l'est pas, hein, précision. Mais tout bascule le soir où ils découvrent l'abominable réalité. Évidemment, c'est pas drôle sinon. Qui se cache derrière la façade de leur vie paisible. Ils doivent s'échapper. C'est une question de vie ou de mort. Donc si vous voulez, les deux raisons qui m'ont poussé à vous présenter ce livre cette semaine, c'est déjà le dessin, parce que c'est quand même une chose qui compte beaucoup, puisque c'est un manga, et c'est particulièrement énormément du dessin. Donc il y a certaines séries, vous voyez, je sais pas si ça vous l'a fait, mais genre, vous les découvrez en animé, d'accord ? Comme un cas que je voulais vous citer, l'Attaque des Titans, je sais pas si vous connaissez. J'ai découvert un animé, j'ai voulu le lire en manga et j'étais horriblement déçu. Je trouve que les mangas, les traits sont trop noirs, trop gros, et du coup que ça donne une impression bizarre, on va dire. C'est le dessin, j'ai pas accroché, du coup j'ai abandonné le manga. Donc déjà le dessin, et évidemment le scénario, hein, parce que le scénar est juste génial. Est-ce que vous auriez eu l'idée, vous, de prendre un orphelinat, de mettre trois gosses, enfin de mettre plus d'enfants, vous voyez, de mettre des enfants, et de mettre une intrigue autour de ça. Bon, même si effectivement les orphelinats sont souvent pris pour faire des romans et des mangas d'horreur, on va dire, mais c'est quand même rare que ce soit du suspense poussé à ce point. Voilà. Et je vais vous parler de petites précisions du manga maintenant, si vous voulez. Donc il faut savoir qu'il y a 3 tomes sortis en France, que le tome 4 sort le 24 novembre et le tome 5 sort le 28 novembre en France, que les Japonais ont déjà 6 tomes d'avance sur nous, hein, c'est pour ça que je vais apprendre le japonais. L'animé devrait être diffusé à partir du 19 janvier sur les chaînes Fuji TV, et le tirage de la série Total s'élève à plus de 2,1 millions d'exemplaires en octobre 2017. Bon, ça fait plus d'un an, je sais, les chiffres sont un peu vieux. Mais ça peut peut-être vous donner une idée, déjà, de l'ampleur, on pourrait dire, du fait qu'il soit connu, quoi, si vous voulez. Ah oui, et j'ai failli oublier. En 2017, le manga a remporté le prix Shogakukan du meilleur shoen, et il est également nommé meilleur manga Taisho entre 2017 et 2018. Bien, c'est tout pour moi. Donc, The Promised Neverland, manga que je vous conseille très très fortement. Voilà. Bon, moi, je vous souhaite une très bonne semaine. Et à la semaine prochaine. C'était Aurélien.